بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس 87 87 كيستيون لوسون دونك لا دانيير فوا نو باي دو لا باتيل دو احد بريفمون لا اجوردي فا بارلي ان بو دو سيل دي احزاب دي كواليزي قال في السؤال الثامن مع 600 608 كيستيون ماذا فعل المسلمون حين علموا بخروج الاحزاب لحربهم comment ont agi les musulmans lorsqu'ils ont su que les coalisés, c'est-à-dire que les mouchlikoun et les gens du livre étaient alliés afin de pouvoir les combattre. Comment ont-ils réagi ? Ils ont fait une tranchée autour de la Médina. Et les ulama disent que le fait que ce soit Salman al-Farisi qui a donné l'idée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les ulama qui voient que cette histoire-là n'est pas authentique. Cela ne veut pas dire qu'il ne l'est pas fait, mais on n'a rien qui le prouve de façon authentique pour ces ulama-là, que ce soit lui qui ait donné cette idée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. نعم ثم قال في سؤال التاسع بعد 600 كم كان عدد المسلمين في غزوة الأحزاب كم يتتيل المسلمون في جغلا إذتي 3000 3000 combattants ثم قال في سؤال السادس وعاشر بعد 600 610 question كم كان عدد المشركين في غزوة الأحزاب كم يتتيل quel était le nombre de leurs ennemis ils étaient 10000 عشرات آلاف دي ميل زيتان ثم قال في السؤال الثاني عشر بعد 600 612 كيستيون من الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لينظر حال المشركين يوم الخندق il a dit qui est celui que le Nabi sallam a dépêché pour qu'il aille voir que faisaient justement les mushrikoun le jour du Khandaq pour aller les espionner. Il s'agit de Hudhayfa ibn Yaman, comme dans le hadith qui fut rapporté chez l'imam muslim par le père de Abu Ibrahim Taymi, qu'il a entendu de Hudhayfa. Quand là, il a dit que lors d'une nuit très froide, il était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait beaucoup de vent, il était très froid. Et le Nabi sallam il a dit Al-Rajulun yatini bi khabar al-kum, j'alahu Allahu ma'i yom al-qiyama. Il a dit n'est-il pas une personne qui va nous informer de ce que font ces gens-là, c'est-à-dire les mouchikoun, et Allah le mettra avec moi, c'est-à-dire il sera à mes côtés le jour de la résurrection. Nous sommes tous restés muets et personne n'a répondu. Car c'était une chose qui était très difficile pour eux. Et le Nabi sallam a répété trois fois sans que personne ne réagisse. Puis il dit à Hudhayfa, Kum ya Hudhayfa, fa'tina bi khabar al-qawm. Il a dit à Hudhayfa, Hudhayfa, lève-toi et va voir ce qu'ils font. Donc là, il fut désigné clairement. Et là, il dit quand j'ai mon authenticité, je n'ai pas eu le choix. Donc j'ai agi. Non. Ce maqala, fi su'al, thalath ashar, bar sittumia. 613e question. Mayel Azawa al-Lati Hasara Fiyan Mushrikuna al-Medina. Quelle est justement cette bataille lors de laquelle les Mushrikoun ont encerclé al-Medina, tout autour de al-Medina. Il s'agit également de celle des Ahzab, la bataille des coalisés. Comme cela fait dans Surat al-Ahzab. Thumma qala fi su'al Rabi' 10, bab 600, 614e question. Quel moudad Hisar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam li Bani Qurayza? Maintenant, il dit combien de temps est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même a encerclé les Bani Qurayza. Combien de temps a-t-il encerclé les Bani Qurayza qui étaient des juifs? Il dit 25 jours, plutôt 25 nuits, comme dans le hadith de Aïcha. Ainsi, à l'histoire, à la fin, il dit « Fa'atahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa'asarahum khamsan wa ashina yawma » Et cela a eu lieu une fois que justement que Allah Azzawajal a pu soulager les musulmans du combat contre les mouchriquin le jour des Khandaq en les frappant par des vents forts. Les musulmans n'ont pas eu à combattre. Et ensuite, ils sont retournés chez eux. Et puis, ils déposaient leurs armes. Et Jibril s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Waqad wada'ta as-silah, as-tu déjà posé ton arme? قال فوالله ما وضعت الملائكة السلاح Il a dit, je jure par Allah que les malaïkas, les anges qui étaient avec vous n'ont pas posé leur arme. C'est-à-dire que la guerre n'est pas finie. Et après, il lui a ordonné de partir vers Bani Qulayza pour les combattre. Pour les combattre. Non. Et c'est aussi dans cette bataille que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit au combat, à ses compagnons de ne pas faire salat l'asr tant qu'ils ne sont pas arrivés là-bas. Le fameux khilaf qui est connu, qu'il a dit La tusallu hatta tasilu ila Bani Qurayza. Ne faisait pas que le asr tant qu'on n'est pas arrivé là-bas. Et certains ont compris de ne pas faire le asr. C'est-à-dire qu'une fois être sur place, d'autres ont compris en fait qu'il fallait se précipiter pour y aller. Mais qu'il fallait faire la salat en son temps quand même. Non. ثم قال من الذي حكم في بني قريظة وبماذا حكم qui est celui qui a émis un jugement sur les Bani Qurayza et quel fut son jugement. Il s'agit de Saad ibn Mu'az, justement Saad ibn Mu'az, et qui avait comme jugement qu'il fallait tuer leurs combattants, ceux qui l'ont fait face, qui les ont combattus, et qu'il fallait prendre leurs femmes en captive ainsi que leurs enfants et prendre leurs biens. Comme dans le hadith de Aïcha, rapporté par Muslim. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que lorsque Saad, déjà premièrement, on a cité le miracle qui lui fut accordé, du fait qu'il fut blessé mortellement lors de cette bataille, et il dit qu'il ne voulait pas mourir tant que Allah Azzawajal ne lui ferait pas voir la chute des Qurayza. Et donc de là, son hémorragie s'arrêta, sa blessure se referma, le temps que la bataille se finisse, puis elle se rouvrit et là il se vida de son sang et il mourut après avoir vu la victoire. Et également c'est celui pour lequel on avait cité que le trône d'Allah Azzawajal a tremblé lors de sa mort. Il est également celui qui, lorsque sa janaza fut transportée, les munafiqoun dirent qu'elle était légère à cause de ce jugement là qu'il a fait sur les Bani Qurayza. Non. Et j'avais fait une erreur, j'avais dit que c'était lors de Khaybar, que cela est arrivé pendant la bataille de Khaybar. En fait non, c'est pendant la bataille de Bani Qurayza qui est liée à celle de Khandaq. Non, donc j'actifie cette information. Je ne sais plus si dans quel def qu'on avait pris, c'était auparavant. Wa'akala. Thumma qala fi suwal 16 bar 600. Ma smu al-bay'a allati bay'a sahabat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, bay'a sahabat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fiha taht ash-shajara. Quel est justement cet pacte d'allégeance qui a eu lieu entre le Sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en dessous de l'arbre. Il s'agit de Bay'at al-Ridwan. Bay'at al-Ridwan, c'est-à-dire le pacte d'allégeance de l'agrément. Comme cela fut rapporté dans le affar de Tariq ibn Abdul Rahman, al-Muttafaqun alayhi, dans le Shahid, dans la partie du affar qui nous intéresse, qui nous concerne, il dit Bay'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Bay'at al-Ridwan. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, justement, a pris l'allégeance qui lui a été portée par ses compagnons. Donc le Ridwan, c'est le nom accordé à ce pacte d'allégeance et non pas à l'arbre, qui lui, par la suite, a été coupé par Omar de peur que les gens ne le prennent comme lieu d'adoration. Car l'arbre lui-même n'avait aucun lien par rapport à cet événement. Ce qu'il fallait se rappeler, c'est le pacte en lui-même, le Bay'a, le pacte d'obéissance. Et cela fut dit dans Surat Al-Fath, Surat Al-Fath, verset 16. نعم هذا الذي ردنا اليوم فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك